chapitre 5, le texte a déjà été lu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il y a un verset que je veux attirer votre attention avant que je commence ce matin, et c'est le verset 16. Ce verset-là, je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il dit « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Et quand il dit qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Afin qu'ils voient votre vie, afin qu'ils voient votre vécu. » Afin qu'ils voient ce que votre vie dégage. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce qu'on fait, ce qu'on est, la vie qu'on dégage, les paroles qu'on dégage, les actions que nous posons, la Bible dit, si c'est des paroles remplies de vie, c'est des paroles qui vont glorifier Dieu dans les cieux. C'est les paroles qui vont faire, c'est des gestes qui vont faire que les gens vont regarder et qu'ils vont glorifier Dieu qui est dans les cieux. Moi, je suis inspiré par l'appel que Jésus lance à l'Église d'être un agent de transformation. En mon langage de leadership, on appelle ça des agents de transformation. On pourrait appeler ça des disciples, si vous voulez. C'est la même chose. En étant le sel de la terre, une influence dans nos communautés et la lumière du monde, en reflétant la lumière, la vie, la grâce, la bonté et l'amour de Dieu au travers de nos vies. Nous savons que les leaders transformationnels comme Jésus, nous influence à voir, à penser, à parler et agir d'une manière que cela va faire une différence dans notre communauté. Ça va faire une différence dans nos milieux, dans nos vies. Ma prière presque quotidienne est « Seigneur, aide-moi à voir et à comprendre ce que toi tu vois quand tu regardes mon environnement. » Aide-moi à voir, aide-moi à comprendre ce que toi tu vois dans mon environnement. Hier, j'étais faire des achats et puis j'étais au BMR, puis je regardais les gens, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Je regardais les gens marcher, puis je disais, qu'est-ce que tu vois, toi? Hein, nous, on voit les gens, on voit la manière qu'ils sont habillés, etc., mais on ne voit pas l'intérieur de leur âme. On ne voit pas la détresse, la tristesse. On ne voit pas les joies que ces gens-là peuvent vivre, mais Dieu le voit. Et ma prière, c'est, Seigneur, aide-moi à voir les gens tels que toi, tu les vois. Dieu a une perception, Dieu a une façon de voir et de comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin d'avoir également. En 2014, j'étais dans une conférence avec mon mentor en leadership, John Maxwell, et John a fait une citation, a donné une citation qui m'a vraiment marqué, et il a dit, « Nous ne pouvons construire un monde différent avec des gens indifférents. » On ne peut pas construire un monde différent avec des gens qui sont indifférents. On ne peut pas s'attendre que le monde va changer si nous, on est indifférents à ce qui se passe autour de nous. Alors, ce matin, je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous inspirer par la vie de Jésus qui a été, je dirais, l'exemple parfait de ce que c'est d'être le sel sur la terre, de la terre et la lumière du monde. Laissons l'Esprit de Dieu vraiment nous aider à voir la façon que Jésus a pu être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors voici quatre caractéristiques de Jésus. Le premier, c'est le message de Jésus était simple et il était relationnel. La religion, c'est compliqué. Hein, je suis certain que vous allez être d'accord avec moi que la religion, c'est compliqué. La religion est bourrée de dogmes, bourrée de règles. Des règles, certains sont des règles des hommes et toutes sortes d'inventions. La religion est compliquée. Si vous prenez la religion juive, par exemple, savez-vous que la religion juive est composée de 613 commandements? Saviez-vous ça? 613 commandements. Si vous n'avez pas été école biblique, vous ne savez pas ça. 248 de ces commandements sont des commandements positifs. Puis écoutez bien ça, il y en a 365 qui sont des commandements négatifs. Je ne comprends pas pourquoi il y a plus de commandements négatifs que de commandements positifs, mais en tout cas, il y a 248 commandements qui sont « fais ceci, fais cela », et il y en a 365, ça c'est un par jour. un par jour, ne fais pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas, cela. C'est compliqué. Toutes les religions mettent une emphase sur les choses à faire et sur les choses à ne pas faire pour gagner la faveur de leur Dieu. Mais Jésus, lui, il a rendu la vie chrétienne et il a rendu l'Évangile super, super simple. Il dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, nous lisons ce passage où les pharisiens sont en discussion avec Jésus, sont même en train de s'astiner avec Jésus parce qu'ils veulent humilier le Seigneur. Ils veulent le pogner dans un coin et puis ils veulent l'humilier. Et voilà qu'ils lui posent la question, « Maître, des 613 commandements, quel est le plus grand commandement de la loi? » De tous les commandements, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Puis en passant, le deuxième, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, mon jeune. Voyez là, si tu pratiques avoir des membres d'une famille, il veut que son beau-père vive longtemps, lui. C'est super! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus résume la foi chrétienne à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et ensuite de partager le fruit de cette relation avec Dieu, avec notre prochain, en les aimant comme nous-mêmes. Avez-vous remarqué comment est-ce que c'est simple? Hein? C'était des 613 commandements, le Seigneur a dit, gardez, vous pouvez oublier les 613, celui que vous avez besoin de vous souvenir, c'est ce premier et le deuxième. Jésus nous enseigne que notre foi ne doit pas être ancrée dans une multitude de pratiques religieuses, où nous essayons de faire des choses pour lui plaire, mais simplement d'être l'Église en aimant Dieu de tout notre cœur et en bénissant notre prochain. Il y a des églises qui essaient d'être la bonne église. On met une foule de pratiques, on met une foule de lois dans l'église, puis on dit, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous allez être vraiment correct. Le Seigneur dit, écoutez, la chose la plus importante, là, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Le message de Jésus est simple. C'est un message qui est relationnel. Et voilà pourquoi ma prière est, Seigneur, comment puis-je glorifier Dieu en bénissant mon prochain. J'ai mis les commentaires que Marie-France a fait ce matin sur la bonté de Dieu. Et c'est tellement vrai, la bonté de Dieu. On vit dans un monde rempli de chaos. Un monde rempli de chaos. Et savez-vous quoi, mes amis? Attachez votre sucre avec de la broche parce que ça ne s'améliorera pas, là. On ne s'en va pas vers des temps meilleurs. La Bible nous dit que dans les derniers temps, ça va être pire. OK? Ça va être le désespoir, ça va être la noirceur. La Bible a dit que les gens vont devenir, elle décrit là, tout ce qui va arriver avec le monde. Et c'est pas des good news, là. OK? On s'en va pas vers des temps meilleurs. Et malgré ça, le Seigneur a pris son Église puis il a placé son Église en plein milieu du chaos. Pourquoi? Pour qu'on soit un reflet de la bonté de Dieu. Pour qu'on soit un reflet de la grâce de Dieu. Pour qu'on soit un calme au milieu de la tempête que ces gens puissent vivre. Ô Seigneur, aide-nous à te glorifier en fait bénissant notre prochain. Deuxièmement, Jésus a vu des choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait beaucoup plus loin que les autres. Il voyait beaucoup différemment que les autres. Lorsque les gens regardaient les hommes qui étaient avec le Christ, lorsqu'ils regardaient Pierre, André, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient quelques pêcheurs, ils voyaient des gars ordinaires, tandis que qu'est-ce que Jésus voyait? Jésus voyait, il voyait des disciples qui allaient devenir les premiers collaborateurs de l'Église. Lorsque les gens regardaient Matthieu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le collecteur de taxes. Ça, c'est le gars de qui on fuit. Hein? C'était le ministère du revenu de l'époque. Et puis le ministère du revenu de l'époque, il n'était vraiment pas honnête, il volait. Et quand il voyait Matthieu, les gens fuyaient parce qu'ils savaient que Matthieu, il venait pour chercher, il venait pour dérober. Et il le voyait comme un voleur. Tandis que qu'est-ce que Jésus a vu? Jésus a vu au travers de cet homme, un homme qui allait devenir un disciple et qui allait écrire le premier évangile. Wow! Jésus voyait différemment que les gens. Jésus regardait et voyait avec des yeux différents que les autres. Si on prend la femme adultère qui était sur le point d'être lapidée, qu'est-ce que Jésus a vu? Jésus a vu au-delà de sa vie désordonnée et il y a vu une femme repentante et qui, au fond d'elle-même, cherchait une opportunité, une deuxième opportunité pour faire quelque chose de différent avec sa vie. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu la rescaper. Qu'est-ce que Jésus a vu lorsqu'il a vu le commandant de l'armée d'occupation et qui était là avec sa grande armure et qui représentait l'armée qui occupait la région et qui abusait même du peuple? Qu'est-ce que Jésus voyait quand il a vu ce commandant qui est venu devant lui en disant « Aide-moi parce que mon serviteur est malade ». Le Seigneur a vu au-delà de l'uniforme de cet homme. Il a vu au-delà du fait que cet homme était un des dirigeants de l'armée d'occupation qui maltraitait le peuple. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le cœur de cet homme. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, même en Israël, parmi tous les Juifs, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Wow! Pourtant, c'est un païen. C'est un païen, là. On ne parle pas là d'un converti, là. C'est un païen. Et le Seigneur dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi que dans le cœur de cet homme. Jésus voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et moi, je vous pose la question ce matin, que voyons-nous lorsque nous regardons notre prochain? Jésus voyait au-delà du naturel. Et voilà pourquoi ma prière est, Seigneur, aide-moi à voir au-delà de la réalité de ce que mes yeux voient. Et aide-moi à voir dans une dimension spirituelle au lieu de voir uniquement dans une dimension naturelle. Et aide-moi à voir ce que toi, tu vois dans la vie des gens. Nous, des fois, on est prêts à mettre une barre sur les gens. On regarde leur vie, on regarde leur comportement, puis on dit, hey, lui là, ou elle là, je te dis que c'est rayé, niette, c'est fini. Est-ce que Jésus les voit de la même façon? Qu'est-ce que Jésus voit que nous, on ne voit pas? Troisièmement, Jésus a dit des choses que les autres n'ont pas dites. Le Seigneur était courageux, puis il était contagieux. Il était contagieux comme un virus. Il attirait les gens vers ce nouveau message qui était présenté. Son message était différent. Son message était contre-culture. Et ce qu'il disait, ça provoquait un dialogue. Le Seigneur provoquait un dialogue. Dans ses paroles, il provoquait un dialogue. Son message ne laissait personne indifférent. Soit qu'on l'aimait et qu'on voulait le suivre, ou bien non, soit qu'on l'haïssait et qu'on voulait s'en débarrasser. Mais il y avait une réaction. Quand les gens nous écoutent, est-ce qu'il y a une réaction à notre message? Est-ce qu'il y a une réaction face à notre vie? Le Seigneur a prêché son message avec conviction en transmettant des paroles de vie et des paroles d'espoir à ses auditeurs. Donc, ma prière est que je puisse utiliser des mots qui vont édifier, qui vont fortifier, qui vont encourager et qui vont stimuler une transformation. Car une église transformatrice communique quoi? Elle communique des paroles de vie. Une église qui va transformer est une église qui va communiquer un message d'espoir, surtout dans ce monde de désespoir. Vous connaissez le passage dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul dit qu'il nous appelle à vivre comme un flambeau parmi une génération qui est perverse et corrompue. Le Seigneur dit, je vous appelle à être des flambeaux, à briller comme des flambeaux. Avoir un message d'espoir et d'espérance au milieu du chaos. Jésus a ressenti quatrièmement des choses que les autres n'ont pas ressenties. Jésus, c'était un leader qui était à la fois passionné et qui accordait de la valeur aux gens et qui avait un intérêt dans leur avenir. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et qu'elle était abattue. Ensuite, nous lisons dans Matthieu, chapitre 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. » Ensuite, dans Matthieu 20, nous lisons « Ému de compassion, encore une fois, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et ils le suivirent. » Dans Marc 1, il dit « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha. » Jésus, dans Jean, chapitre 11, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et il fut ému. Jésus ressentait les besoins les plus profonds des gens et il discernait leurs besoins. Donc, ma prière est, Seigneur, donne-moi une passion pour le salut et la transformation des non-croyants et aide-moi à ressentir, aide-moi à être ému par la condition et le besoin de mon prochain. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré en voyant quelqu'un dans le besoin? On peut tellement être désensibilisé. Vous savez, la télévision nous désensibilise. Hein? Toutes les images qu'on voit de la guerre, de détresse, de la misère, toutes les émissions de télévision qui sont remplies de violence nous désensibilisent devant la souffrance humaine. Et on a vraiment besoin que l'Esprit-Saint puisse venir faire une œuvre dans nos vies afin que nous puissions sentir ce que Jésus sent lorsqu'il regarde les gens dans le besoin. Dans Jean 14, Jésus fait une déclaration qui dépasse mon entendement, mais qui stimule mon imagination. Et voici ce qu'il dit. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Moi, ça dépasse mon entendement, là, quand il dit, « Vous allez faire des œuvres beaucoup plus grandes que moi. » Ce texte déclare que Jésus nous a tout donné, en fin de compte, afin d'être une église influente. Le Seigneur nous a tout donné. Alors, comment pouvons-nous être le sel de la terre et la lumière du monde? Ce matin, j'aimerais partager avec vous quatre histoires. Quatre histoires de personnes, j'en connais trois des quatre que je vais vous partager, mais je connais la première histoire, je connais très bien cette histoire-là et les effets de la vision que Dieu a mis dans leur cœur. Mais j'aimerais partager avec vous ce matin des idées sur comment stimuler votre imagination, à savoir comment Dieu pourrait vous utiliser individuellement et collectivement pour influencer nos communautés. Car notre amour pour Jésus devrait nous stimuler à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et à vouloir le bénir. L'œuvre de Christ dans nos vies, ce que le Seigneur a fait dans nos vies, la paix, la grâce, la bonté que Dieu manifeste en nous, devrait nous stimuler à vouloir faire du bien aux gens qui nous entourent. Nous devons être intéressés, mes amis, aux défis de nos communautés. Nous devons être intéressés par les questions de racisme, de corruption et de toutes sortes, et surtout celles qui viennent des fonctionnaires élus à travers les différents paliers du gouvernement. Nous devons être intéressés aux abus de pouvoir qui oppressent les plus faibles, les injustices de toutes sortes. Nous devons être intéressés par l'égalité des personnes et bien plus. Je crois que nous devons être intéressés par l'éclatement de la famille, les enfants abandonnés, des politiques telles que l'aide au suicide assisté et à l'euthanasie volontaire. On devrait être intéressé par ce qui se passe dans nos communautés, car nous avons une obligation de passer à l'action afin d'être les mains et les pieds de Dieu. Lorsque j'ai servi en Afghanistan comme l'aumônier principal pour l'armée canadienne, j'ai souvent utilisé cette citation que vous allez avoir à l'écran de Edmund Burke. C'est une citation que je trouve super intéressante. Il dit « Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Pour que le mal triomphe, il suffit que des hommes bien, des femmes bien, ne fassent rien. Il suffit qu'on regarde, qu'on soit observateur et que l'on fasse rien. » Chers amis, l'évangélisation de notre société ne signifie pas seulement d'avoir une campagne d'évangélisation de temps en temps et d'inviter les gens à l'église. Évangéliser signifie d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Évangéliser signifie d'être un témoin et de promouvoir les valeurs de Christ dans nos communautés, dans nos milieux de travail. Alors, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que des noms comme Moïse, Mardochée, qu'on a dans les Saintes Écritures, Esther, Daniel et Joseph, ont en commun avec des noms plus contemporains comme William Wilberforce? Connaissez-vous le nom de William Wilberforce? Comment? En fin de compte, il a été ami avec le gars qui écrit Amazing Grace, parce que le gars qui écrit Amazing Grace, il était capitaine d'un bateau d'esclaves. Et William Wilberforce, c'était le politicien qui, pendant 28 ans, a présenté une loi devant le gouvernement anglais pour abolir l'esclavage. 28 ans qui s'élevait à tous les ans pour présenter sa loi et qui se faisait défaire année après année jusqu'au moment où ce que le gouvernement a finalement accepté d'abolir l'esclavage. Ça, c'est Wilberforce. Est-ce que vous connaissez des noms comme Benjamin Franklin, Martin Luther King, Bob Pierce? Chers amis, toutes ces personnes, ils ont passé à l'action. Ils ont eu une influence dans leur communauté et ils ont réussi à contribuer à transformer leur communauté parce qu'ils ont passé à l'action. Alors, je vous pose la question ce matin, quels sont les rêves et les visions qui tapissent les couloirs de vos pensées? Quels sont les rêves et les visions qui tapissent les couloirs de vos pensées? Quand vous regardez autour de vous, quand vous écoutez les nouvelles, quand vous marchez dans votre ville, quand vous marchez dans les centres d'achat, lorsque vous regardez les nouvelles et que vous voyez des histoires malheureuses, qu'est-ce qui monte en vous? Qu'est-ce qui monte en vous? Qu'est-ce que vous avez à cœur de faire? Chers amis, je suis convaincu que nous avons toutes sortes d'idées sur comment influencer et comment nous pourrions avoir un impact dans nos communautés. Le problème est que souvent, nous manquons de confiance que nos rêves et nos visions viennent véritablement de Dieu. Le problème n'est pas que Dieu nous parle. Le problème n'est pas que Dieu ne met pas de vision, de rêve et de pensée dans nos vies sur la façon qu'on pourrait être une influence. C'est plutôt nous qui manquons de confiance que ces visions, ces rêves et ces pensées viennent véritablement de Dieu. Pourtant, je sais que Dieu dépose dans nos cœurs et dans les cœurs de certains d'entre nous toutes sortes d'idées sur comment nous pourrions réduire, par la grâce de Dieu, le trafic humain, comment nous pourrions réduire la pauvreté, l'injustice, la corruption, la discrimination, comment nous pourrions transformer nos communautés. Laissez-moi vous donner quelques exemples. En 1947, Dieu a déposé une vision dans le cœur d'un missionnaire canadien du nom de Bob Pierce. Bob Pierce était un missionnaire baptiste. Et Bob Pierce travaillait en Chine et il travaillait également avec sur le bord de la frontière de la Corée. Et en faisant un de ses voyages, on lui a emmené des orphelins de la guerre de la Corée. Et puis, on lui a demandé, on a dit, « Pasteur Pierce, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nourrir ces enfants? » Et Bob Pierce a regardé ses enfants qui étaient là, qui avaient besoin de nourriture, qui avaient besoin de vêtements, qui avaient besoin qu'on prenne soin d'eux. Et puis, il a dit, écoutez, j'ai de la misère à manger moi-même. Alors, il ne voyait pas de quelle façon qu'il pouvait intervenir pour aider ses enfants. Bob retourne à sa résidence et voilà que Dieu lui met à cœur. Bob, qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir ses enfants? Vous savez, là, le petit nudging qui vient de la part du Seigneur, là, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Bob, pour nourrir les enfants? Oui, mais Seigneur, j'ai rien. Tu vois bien, là, j'ai de la misère à arriver, j'ai rien. Bob, qu'est-ce que tu vas faire pour nourrir les enfants? Et Bob finit par prendre la décision de prendre le peu qu'il avait et puis d'amener ça aux enfants puis d'essayer de nourrir les enfants. Bob s'est mis à écrire à ses amis au Canada puis dire, écoutez, j'ai un paquet d'enfants ici qui a besoin d'être nourris. Pourriez-vous m'aider à nourrir ces enfants? Et voilà que ses amis ont commencé à lui envoyer de l'argent. Bob s'est mis à acheter de la nourriture. Et puis, savez-vous, c'est l'histoire de quoi, ça? C'est l'histoire de la plus grande ONG au monde qui parraine 3,9 millions d'enfants et qui a un budget annuel de 2,6 milliards. Ça, c'est l'histoire de Vision Mondiale. C'est comme ça que Vision Mondiale a commencé. Wow! Bob Pierce a décidé de faire comme le petit gars et de prendre les quelques pains, les quelques poissons qu'il avait, de les mettre à la disponibilité de Dieu et Dieu a fait le reste. Bob Pierce a fait simplement un premier pas. Dieu lui a mis une vision dans son cœur, il regardait la vision puis il disait, c'est impossible, j'ai aucune idée de quelle façon je vais pouvoir faire ça. Et savez-vous quoi? Quand la vision est au-delà de ce que vous avez, de vos capacités, c'est parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Sinon, ce serait tout simplement un souhait de votre part. Et on n'aurait pas besoin de Dieu. Mais une vision qui vient de Dieu, c'est toujours plus grand que nous. Et heureusement que Bob Pierce a fait le premier pas. Pouvez-vous vous imaginer si Bob Pierce aurait dit, « Seigneur, j'ai rien. Tu sais bien que j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien à faire avec ça, puis je ne pourrai jamais rien faire. » Pouvez-vous vous imaginer ce qui serait arrivé si Bob Pierce n'aurait pas fait le premier pas de foi? Vision mondiale n'existerait pas aujourd'hui. Mais parce qu'un homme a répondu à une vision que Dieu a mise dans son cœur, aujourd'hui, on a une organisation comme Vision mondiale. Est-ce que vous connaissez Pascal Philibert? Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Ah, Jerry, Daniel, je les vois dire oui, Yvette aussi. Hein? Nous, on connaît Pascal Philibert. Pascal Philibert était dans l'église ici. Moi, j'ai vu Pascal Philibert grandir. C'est la fille de M. Philibert, des hommes d'affaires du Plein Évangile. Et puis, j'ai vu Pascal grandir. Elle est devenue travailleuse sociale. Et elle travaille pour la DPJ. Et un jour, le Seigneur lui a mis à cœur de faire quelque chose pour aider aux jeunes filles qui sont prises dans la prostitution juvénile, pour les sortir de la prostitution juvénile. Et le Seigneur lui a mis un fardeau de commencer un programme qui s'appelle Mobilis. Écoutez bien ce que la presse a publié le 6 juin 2013 concernant Mobilis. À la tête du projet Mobilis depuis 5 ans, Mme Philibert réchappe des centaines d'adolescentes exploitées par des gangs de rue en Montérégie. Tous avaient été manipulés, voire enrôlés de force dans l'industrie montréalaise du sexe. Chers amis, Pascal n'avait aucune idée de ce que Dieu allait faire avec elle lorsque le Seigneur lui a mis dans la pensée de faire quelque chose pour les jeunes filles qui sont prises dans la prostitution. Mais qu'est-ce que Pascal a fait? Elle a fait comme Bob Pierce. Elle a pris ses quelques pains, ses quelques poissons. Elle a fait un premier pas, puis elle a dit, « OK, Seigneur, je vais essayer, je vais faire quelque chose. » Et voilà que le Mobilis est au service aujourd'hui des corps de police de la Rive-Sud et font un travail extraordinaire pour sortir les jeunes filles de la prostitution. Tout a commencé avec une vision, un fardeau, et Dieu a fait le reste. Ah, connaissez-vous le nom de Bob Edwards? En 1986, Dieu a placé dans le cœur d'un jeune homme qui est venu au Seigneur, un hippie qui est venu au Seigneur. Je me souviens de Bob Edwards quand il est venu au Seigneur. Bob était membre de l'Église de Québec, qui est le Carrefour aujourd'hui. Et Bob sortait d'un milieu de drogue. Il était pris dans la drogue par-dessus sa tête. Et puis, quand il est venu au Seigneur, il a eu à cœur de faire quelque chose avec ses amis qui étaient pris dans ce réseau de drogue. Et voilà qu'ils ont commencé un petit centre de relations d'aide pour les gens qui étaient aux prises avec toutes sortes de dépendances. Et ce petit centre de relations d'aide-là est devenu Défi Jeunesse. Bob Pierce n'avait aucune idée quand il a commencé que son petit centre de relations d'aide, Bob Edwards n'avait aucune idée quand il a commencé que son petit centre de relations d'aide allait devenir Défi Jeunesse. Aujourd'hui, Défi Jeunesse est à Loubinière, en banlieue de Québec. Ils ont une ferme. Ils ont une ferme et voilà que sur cette ferme-là, et c'est un centre de ressourcement et de formation offrant un encadrement spirituel à ceux désireux de rétablir et de restaurer leur vie qui a été brisée par toutes sortes de dépendances. Ronald Lucier, qui est le directeur, me disait il y a quelques années, il dit « Nous sommes une entreprise de recyclage humain. » Hey, c'est génial! Parce que c'est ça l'Église! C'est ça l'Église! Une entreprise de recyclage humain. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur prend nos vies brisées puis il veut recycler nos vies. Wow! Il prend quelque chose qui est mort puis il veut faire quelque chose de vivant avec. Il prend quelque chose qui est plus utile puis il veut en faire quelque chose d'utile, du recyclage humain. Jour après jour, ils investissent dans la vie de toutes sortes de jeunes gens. Et au mois de mai, je vais avoir le privilège, le dernier vendredi du mois de mai, d'aller faire une journée de formation avec tout le personnel de Défi Jeunesse. Et j'ai hâte d'aller les voir, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas mis les pieds à Défi Jeunesse. Mais l'histoire n'arrête pas là. Sur leur terre, Défi Jeunesse cultive des légumes. Ça marche tellement bien, là, que les cultivateurs environnants, leur prêtent leurs terres. Ils n'ont même pas été obligés d'acheter les terres. Les cultivateurs leur prêtent les terres pour cultiver les légumes. Et savez-vous comment de légumes qu'ils cultivent? Ils cultivent au-delà de 1,6 million de kilogrammes de légumes frais qui sont distribués gratuitement en tous les centres alimentaires de la province du Québec. Incroyable! Quand tu penses que c'est des gars pris avec des dépendances qui sont considérés comme des rebuts, des déchets, là, tu sais, des gars pognés, là, des drogués, qui cultivent des légumes, qui nourrit des milliers de familles à travers la province du Québec, au travers des centres de distribution d'alimentation. Le Seigneur les a tellement bénis que non seulement qu'ils cultivent les légumes puis que le Seigneur leur a donné des terres, mais une compagnie de camionnage qui fait donne des cours de camionnage qui ont dit à des filles jeunesse, nous, on a besoin des runs pour que nos chauffeurs puissent aller faire des livraisons. Et puis, ils ont dit, regardez, on va livrer vos légumes partout dans la province du Québec gratuitement. Wow! Hey! Ça, là, c'est un cadeau qui tombe du ciel, ça, là! C'est un cadeau qui tombe du ciel. Quand Bob Edwards a commencé à faire ses petites sessions de relations d'aide, Bob Edwards n'avait aucune idée ce qu'allait devenir des filles jeunesse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que vous saisissiez que lorsque Dieu nous met une vision à cœur, que lorsque le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose pour avoir un impact, lorsque Dieu met en nous un fardeau, ça commence avec une vision, on a une vision, on dit, waouh, oui, ça serait intéressant de faire ça, ça devient un fardeau, quelque chose qui nous harcèle quasiment, qui est là, qui ne part pas, puis qu'on ne peut pas se débarrasser, c'est un fardeau. Et ensuite, la prochaine chose qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un premier pas de foi, puis dire, Seigneur, oui, je vais faire ce que tu me demandes. Je ne sais pas comment tu vas faire pour le reste, mais je vais faire le premier pas. Je vais te donner mes quelques pains, mes quelques poissons. Toi, fais la différence. Maintenant, je ne veux pas vous donner l'impression qu'il faut toujours commencer quelque chose de particulier. Vous savez, des fois, le Seigneur nous met à cœur de nous joindre à des missions que d'autres ont commencé. Ce matin, je vais vous parler de Nancy. Peut-être certains d'entre vous, vous ne savez pas, mais Nancy participe à la cuisine communautaire d'Otterburn Park. La cuisine, pas communautaire, mais collective d'Otterburn Park. Et c'est un projet de la ville. Et en fin de compte, ce projet-là, quand j'ai visité la mairesse l'année passée, la mairesse a dit, est-ce qu'il y aurait des gens de votre église qui seraient intéressés de participer à la cuisine collective? On en a parlé à l'Assemblée et Nancy, depuis ce temps-là, est là un dimanche par mois. On pourrait dire, mais Nancy, qu'est-ce que tu fais un dimanche par mois, manquer ta réunion pour t'en aller à la cuisine collective? Non, mais écoute, là, tu devrais être à l'église. Hein? On pourrait avoir cette attitude-là. Moi, je dis, je salue l'initiative de Nancy. Pourquoi? Parce qu'un dimanche par mois, Nancy est en train de créer des liens avec des gens qui ne fréquentent pas l'église. Une fois par mois, Nancy, c'est notre ambassadrice. Elle est là une fois par mois avec ces gens-là. Elle tisse des liens, elle tisse des relations qui vont lui donner une occasion de briller et d'être le sel de la terre et la lumière du monde parmi des gens qui ne mettraient peut-être jamais le pied dans l'église. Wow! Alors, ce n'est pas de commencer toutes sortes de choses. Des fois, c'est de continuer ce que d'autres ont commencé. Alors, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de faire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur d'affaire? Chers amis, il y a toutes sortes d'histoires comme ceux-là qui me prouvent que Dieu place dans nos cœurs des fardeaux et nous donne des visions sur comment nous pouvons et devons intervenir pour influencer notre communauté. Mais se pourrait-il que nous les avortons, ces visions, parce que nous avons peur du prix à payer ou que nous avons peur à faillir? Est-ce que c'est possible? Que ces visions-là, on les garde dans les couloirs de nos pensées parce qu'on a peur. Combien de rêves et de visions gardons-nous dans le secret de nos pensées parce que nous avons peur de nous tromper et que nous avons peur de passer pour des illuminés? Je vais vous confesser ce matin que j'ai failli à plus qu'une reprise de prendre action parce que j'ai eu peur d'agir sur une vision que Dieu m'a donnée. Donc ce matin, moi, je ne suis pas en train de pointer personne du doigt. Je ne suis pas mieux que vous. Mais moi, je suis en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Wow! Aide-moi à avoir les oreilles, là, les oreilles spirituelles ouvertes ce matin. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voici ce que j'ai appris en Afghanistan concernant le courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est plutôt la détermination de faire ce qui doit être fait en dépit de la peur. Le courage, c'est pas l'absence de la peur, C'est la détermination de faire ce qu'on a besoin de faire en dépit de nos émotions. C'est ça le courage, en dépit de nos émotions. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin? Quelle est la différence? Quel est l'impact? Quelle est l'influence que Dieu aimerait que vous fassiez dans votre communauté, dans votre milieu de travail, dans votre famille? Je termine avec une citation de Martin Luther King qui m'a bouleversé lorsque j'ai lu cette citation la première fois. Et la citation, c'est « L'Église qui demeure silencieuse devant l'injustice est une Église qui perd sa valeur. » Ça, c'est une moyenne claque, ça, hein? « L'Église qui demeure silencieuse devant l'injustice, c'est une Église qui perd sa valeur. » Devant les injustices, devant la misère de ce monde, les gens se demandent souvent « Où est Dieu? » On entend souvent les gens dire « Où est Dieu? » « Ah, oh, s'il y avait un Dieu qui serait si aimant, là, tu sais, il ferait ci, il ferait ça, où est Dieu? » Peut-être une autre manière de poser la question, c'est « Où est l'Église? » C'est facile de dire « Où est Dieu? » Mais où est l'Église? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Comment pouvons-nous refléter l'amour, la grâce de Dieu dans nos communautés? C'est ça la vraie question. Parce que c'est qui les mains et les pieds de Dieu sur terre? C'est nous. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui quoi? Qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On est les mains et les pieds de Dieu ici sur la terre. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin sur la façon d'être le sel de la terre et la lumière du monde? Comment Dieu peut-il nous utiliser individuellement et collectivement pour faire une différence dans ce monde sans espérance? Ce matin, je vais vous inviter à poser un geste symbolique. Je vais vous inviter à vous lever. Et si l'Esprit de Dieu vous parle, si vous sentez que l'Esprit de Dieu, comme on dit en anglais, là, il y a un petit nudge, tu sais, l'Esprit de Dieu est en train de dire, « Hé, regarde là! » Si l'Esprit de Dieu est en train de vous peut-être vous rappeler des visions que Dieu vous a données dans le passé sur lesquelles vous n'avez pas pris action, c'est-tu merveilleux que le Seigneur n'est pas un Dieu condamnatoire? C'est-tu merveilleux que le Seigneur n'est pas là pour dire, « Gars, je te rappelle ça, là, parce que tout à l'heure, je vais m'occuper de toi, là. » Pas pantoute, là. Le Seigneur est rempli de grâce et de miséricorde. Oh, man, le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. C'est ce que la Bible dit, hein? Alors, le Seigneur va nous rappeler des choses. Peut-être que Dieu vous a mis à cœur une vision. Dieu vous a parlé de quelque chose que vous pourriez faire pour avoir un impact dans votre communauté. Vous ne l'avez pas fait. Ce matin, le Seigneur ne veut pas vous condamner. Il veut tout simplement vous le rappeler. Puis le Seigneur veut tout simplement dire, « Gars, je vais te donner une deuxième chance. » Ah, c'est comme la femme adultère. Je vais te donner une deuxième chance. Je te donne une deuxième opportunité de faire quelque chose avec ça. Peut-être que c'est la troisième, quatrième opportunité que Dieu vous donne de faire quelque chose avec ça. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le Seigneur n'est pas là pour nous condamner. Le Seigneur est là pour nous autonomiser, pour nous empower, pour nous donner sa grâce, sa force pour accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Et si l'Esprit de Dieu vous a parlé ce matin, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans vous, il y a un fardeau, il y a une vision que le Seigneur a ramenée, il y a quelque chose où si simplement vous avez le désir de vous placer devant Dieu ce matin et dire « Seigneur, sers-toi de moi », je vais vous demander simplement de placer vos mains comme ceci. Devant vous. Et ce qu'on va faire, on va prendre nos vies et on va placer nos vies dans nos mains. On va les mettre au pied de la croix. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant qui est agréable pour lui. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. On veut placer devant le Seigneur nos vies. On veut placer devant le Seigneur nos quelques pains, nos quelques poissons. Peut-être vous dites, moi, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas beaucoup de ci, j'ai pas beaucoup de ça. Ça vous quoi? C'est pas important. Parce que le Seigneur, ce n'est pas de vos compétences qu'il veut utiliser, c'est premièrement votre cœur. C'est premièrement votre obéissance. Le restant, ça vient, ça. La compétence, ça vient plus tard. C'est l'obéissance. Dieu veut des gens qui sont prêts à obéir. Dieu veut des gens qui vont être prêts tout simplement à faire le premier pas. Dieu veut des gens comme Bob Pierce, Bob Edwards, Pascal Philibert, J'aurais pu vous parler de Michel Grondin, qui a commencé le Café Rencontre dans le centre-ville de Québec, qui aujourd'hui est un centre où ce que des politiciens de l'Assemblée nationale vont voir Michel pour lui demander des conseils sur comment mettre sur pied des programmes pour aider la communauté. Ces gens-là ont tout simplement fait un premier pas. Ils ont tout simplement dit, « Seigneur, voici, je te donne les quelques pains, les quelques poissons que j'ai, le petit peu que j'ai, maintenant, fais le reste. » Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin, tu nous vois devant toi. Tu nous vois placés devant toi, Seigneur, et on vient en toute humilité. On ne vient pas, Seigneur, d'une manière arrogante, disant, « Vois ce que j'ai à t'offrir. » Mais Seigneur, c'est avec humilité que nous nous plaçons devant toi ce matin et nous te disons, « Seigneur, vois nos vies. » Et on vient, Seigneur, avec le peu qu'on a, avec le talent, avec les dons qu'on a, avec les capacités qu'on a, avec la personnalité qu'on a. Et on te dit, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous pour faire une différence dans le monde dans lequel on vit. Seigneur, on t'offre le peu que nous avons afin que toi, tu puisses le prendre et faire un miracle avec ce peu. De même qu'avec les quelques pains, les quelques poissons de ce jeune homme, Seigneur, tu as nourri une foule de 5000 hommes à part des femmes et des enfants. À partir de quelques pains, de quelques poissons, tu as fait un miracle de multiplication. Et Seigneur, nous, on se place devant toi ce matin et on dit, fais un miracle de multiplication avec nous. Fais un miracle de multiplication avec nos vies. Fais un miracle de multiplication avec notre Église. Fais un miracle de multiplication, Seigneur, pour faire une différence dans nos communautés. Donne-nous, Seigneur, de faire les premiers pas. Et toi, Seigneur, fais le miracle de multiplication. C'est en obéissance que nous nous plaçons devant toi. Dans le nom précieux de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Amen. Chers amis, je vous invite cette semaine à demeurer sensible à ce que l'Esprit va vous dire. Si vous avez le cœur ouvert, vous allez voir que l'Esprit va vous parler. L'Esprit de Dieu va vous mettre à cœur, va vous donner des rêves, va vous donner des visions, il va vous parler de différentes façons, il va vous donner une image. La façon dont Dieu parle, ce n'est pas important. Dieu utilise toutes sortes de façons. C'est d'être ouvert à écouter ce que Dieu veut nous dire sur la façon que le Seigneur veut nous utiliser pour bénir les gens autour de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle simplicité! Quel message simple et relationnel que le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Et j'ai hâte d'entendre vos témoignages de ce que Dieu vous a mis à cœur de faire et la manière que Dieu veut vous utiliser pour bénir ceux autour de vous. Amen.